celui qui fait semblant, celui qui prend un air absent, celui qui parfois s'en passerait, le petit juron du distrait. Il y a le soucieux qui s'interroge, le nerveux chez qui ça démange. L'œil inquiet de Jacob, les visages se dérobent, procession du genre humain. C'est ainsi tous les matins, chacun son style. On n'a jamais dit que ce serait toujours facile sous l'œil de Jacob. Celui qui trop tard arrive, le trop pressé qui s'en prive, l'impatient qui trouve le temps long, le surpris qui se lève d'un seul bond. Il y a celui qui dérouille, celui qui a pas aimé la ratatouille. Sous l'œil inquiet de Jacob, les visages se dérobent, procession du genre humain. C'est ainsi tous les matins, chacun son style. On n'a jamais dit que ce serait toujours facile sous l'œil de Jacob. Il y a celui qui gémit, il y en a même qui oublie, le convaincu qui déchante, et parfois celui qui chante. Il y a celui qui en fait trop, celui qui est au bout du rouleau, L'œil inquiet de Jacob, les visages se dérobent, procession du genre humain. C'est ainsi tous les matins, chacun son style. On n'a jamais dit que ce serait toujours facile sous l'œil de Jacob. À Venise, que d'autres ne peuvent comprendre, pour 5 minutes, tout ne disturbe, en un minimum de présence, approfondir ses connaissances. Chacun son style.